chante fouseur d'innocence. Les airbags en avant frisant l'indécence. J'aurais voulu faire sans manière avec elle. Le plein d'essence. Ça c'est sûr, j'aurais dû le refaire.